désolé ma chérie, je peux pas décrocher la lune, mais on peut aller chez Hermès ou même Roberto Cavalli. Et tant qu'il y aura des housses à faire, je peux pas m'arrêter de cavaler. J'étais dans le Clio 3, je rêvais déjà de la Pagani. Pourquoi tu fais ta crise? Souvent je suis là sans être là et toi t'es triste. Bébé, faut que j'empile des briques sur des briques comme dans Tetris. Ce soir je vais rentrer tard car il me faut plus de cash. Ce soir je vais rentrer tard car il me faut plus de ice, ice, ice, ice, ice, ice. J'aimerais t'amener jusqu'au bout du monde, te montrer que c'est pour de vrai. Mais je dois faire gonfler tous les comptes. C'est promis, bientôt je t'amène en bord de mer. Ma chérie, ouais, c'est toi ma jolie, ouais, ouais. Ma chérie, ouais, 4 ou 5 millions en style. Ma chérie, ouais, c'est toi ma jolie, ouais, ouais. Ma chérie, ouais, 9 ou 10 millions en style. Je veux faire de la moula comme un joueur de ballon. Je suis connu dehors, dedans, tu sais que j'ai le bras long. Toi t'aimes les belles choses, moi j'aime te faire sourire. Viens on s'arrache dans un Urus Mansory. Ma chérie, ouais, il me faut plus de bif et plus de liasses. J'atterris à Roissy CDG en business class. Je me rappelle quand je m'étais dit eux pour faire de l'essence. J'ai toujours eu la mentale du charbon depuis l'adolescence. J'aimerais t'amener jusqu'au bout du monde, te montrer que c'est pour de vrai. Mais je dois faire gonfler tous les comptes. C'est promis, bientôt je t'amène en bord de mer. Ma chérie, ouais, c'est toi ma jolie, ouais, ouais. Ma chérie, ouais, 4 ou 5 millions en style. Ma chérie, ouais, c'est toi ma jolie, ouais, ouais. Ma chérie, ouais, 9 ou 10 millions en style.